Le silence est d'or, quand il y en a, je dors. J'aime à l'écouter, les oreilles fermées. J'aime bien le bruit quand c'est moi qu'en fait, mais quand c'est autrui, davantage j'en fais. Quand il n'y a pas de bruit, il y a du silence. Quand il y a du bruit, il n'y a plus de silence. Je vous parle du silence en faisant du bruit, mais en son absence, vous n'auriez rien de oui. Le 14 juillet, avec les pétards, le feu d'antifrice, le silence est mort. Des gens déchaînés sous le bruit des fanfares, c'est le sacrifice de ce bien si rare.